Mode fantôme, Van Damme, port d'armes, barrage, gendarme, bam bam, smoke peu Amsterdam, Amsterdam. Derrière moi y'a plein d'hommes, plein d'âmes, plein d'hommes, plein de vœux. De l'argent, des femmes et plein de buzz. La santé, le bonheur et plein de vœux. J'ai le respect, l'honneur et j'en veux. On va leur faire des horreurs, c'est dangereux. Tu me vois plus, j'ai mis la gomme, L-O-V-N-I, la zone. T'enlever le permis, je m'affole. Je veux une équipe interdite, je la colle. Va falloir investir dans l'immobilier. Tout fait pour eux, ils m'ont tous oublié. J'crois au bon Dieu, c'est mon bouclier. Quand y'a un doute, y'a plus de doute, gros, y'a tout qui est lié. Vers l'Italie, j'ai décollé. J'ai ramené ma petite Affendi. Vu sur les étoiles, perruque et j'ai mis un jean. Tourbage lundi à lundi. Je t'ai confié, on a rien dit. Si tu carré, on t'arrondit. Touche famille, on sort le pétarondi. Vodka, bébé, viens, s'embrouille pas, bébé. Les écoute pas, bébé. Moi, j'm'en fous de ça, bébé. J'ai sonné. Cagoule pistolet. C'est pas le coin qui se glace, c'est moi qui chauffe. J'te la clic-clac entre deux petits shots. Ruska, de l'amour comme babouchka. Boum boum, bouillaka bouchka. J'allume un gros P, verse un peu de dompé. Poto repose en paix, c'est le prix que trop P. J'connais le copieux et le trop P. Au P du mieux que j'peux, ne reste pas trop près. Mon devient décent, tous les jours en TF. Acha descente, y'a les potes en DF. C'est que descend, allez faut redescendre. J'crois qu'elle va descendre, y'a les poches en BNF. Ancienne nouvelle école, on a les codes. Resserre-nous en pétrole, faut qu'on décolle. Ça t'étonne, mais j'pleure chemin de la déconne. Puis t'étais sans que ça détonne, va le décor. 250 bandits, engins mortels. C'est jamais sans les couilles comme au bordel. L'OBN dans le cocktail. Pas bon modèle, je la mets hors d'elle, hors thème. Ça vole bas, j'entends plus, je suis dans le tunnel. Sous votre cas, j'entends plus, même si tu m'aimes. C'est la vie d'un, ni t'enlève, ni t'insère. Dire un sur le plan avec le plan de sincère. Vodka, bébé, viens, s'embrouille pas, bébé. Les écoute pas, bébé. Moi, je m'en fous de ça, bébé. J'ai sonné, le cash coule, le bonnet. Y'a personne à détrôner. Je fais toujours quand je promets. Pistolet.